guess you left your mind. C'est quoi cette chanson? I guess you left your mind. C'est quoi la chanson? C'est quoi la chanson? Et comment ça s'appelle? C'est Blur, Blur. Plutôt Blur. Woohoo! got my HGL, buying jumbo jets. It wasn't easy, but nothing is known. When I feel heavy metal, I'm being a needless. When all I have, I'm just Fais-moi chanter une chanson. Je veux chanter une chanson. Ah, que je veux chanter la chanson. Fait Bachoum. Oh, Gabi, tu devrais pas laisser comme ça. C'est pas joué. Oh, Gabi, j'ai percé l'oreiller. Ah putain, j'ai trouvé. Je vais te faire Gabi. Gabi, Gabi, Gabi, tu devrais pas blesser, tu vois. Est-ce que t'as la batterie? Est-ce que t'as trouvé la batterie? PW. Putain, c'est fort les guitares, je suis en train de me niquer les oreilles. Je me nique les oreilles, tu vois. Moi j'aime bien le chou. Je vais enlever ma guitare pourrie. Est-ce qu'il y a une basse pour jouer? Non, y a pas de basse, alors je remets la basse. Hey, salut! Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux. Et je fais mes pompes. Tiens, c'est dur à chanter ça. C'est dur à chanter ça. 1, 2, 3, 4. C'est une version un petit peu cool. Je préfère exagérer un peu. 1, 2, 3, 4. Allez, allez, allez, emmène-moi. Au milieu des allées du coraux, et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance dans ces falots qu'il faut. J'ai du bol, j'en vois un qui rigole. Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je veux pas dormir, je fais que des conneries. Cali. Tu veux que je te chante la mer? Le long des golfs, Patrick Vert. En regardant les résultats de son shaker, un requin qui fumait plus à rallumer son clope, ça fait frémir. Faut savoir dire stop, stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qu'abandonne son peps au mois d'août en Espagne. Chant comme un vide, remets-moi Tony Kidd. Au Cali, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries. Au Cali, alors tu veux que je chante la mer? Le long des golfs. Après, vous connaissez les paroles. Gabi, je t'ai déjà dit que t'es bien plus belle que Morissette. T'es belle comme un pétard qui attend plus qu'une allumette. Ça fait craquer au feu les pompiers. Aujourd'hui, c'est vendredi, je voudrais bien qu'on m'aime. Je sens que je vais faire encore finir chez Vanda et ses sirènes et ses sirènes. Oh oh oh oh oh. Oh Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Non Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je veux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, oh Gabi. Fais que des conneries. Alors à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules? Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules? Hein Fabrice? Le roi de la pétanque, c'est Fabrice. Oh Gabi, oh Gabi, oh Gabi. Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais que des conneries. Oh Gabi, Gabi, oh Gabi, oh Gabi. Voilà, c'était Alain Bachou, version Benjamin et les musiciens de Nimbot. Oh Gabi. Gabi, Gabi, je fais des conneries avec Vanda et ses sirènes. Oh oh oh oh oh. Allez, oh oh oh oh oh. Allez chanter. J'aimerais bien les chanteurs. Oh Gabi. Oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. Gabi. Oh oh oh oh oh. Oh Gabi. Oh oh oh oh oh. Gabi. Gabi. Laquelle tu veux que je chante? Qu'est-ce qui irait bien avec? On propose. Bon, on va arrêter celle-là. Y'a Et maintenant, Alain Souchon. Pourquoi Alain Souchon? Ah ouais, j'ai 10 ans. Ok. 10 ans. Ok, ok, c'est une bonne idée. Sur la même chanson, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Sur la même chose, sur la même chose. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans. 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais j'ai 10 ans. Je suis sur la même chose. Et j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Je vais à l'école et j'entends de belles paroles. Doucement, moi je rigole. Au cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu crois pas, et tu ne crois pas, hey, hey. Qu'est-ce qu'il faut faire si tu ne crois pas? Karma, qu'est-ce qu'il faut faire si tu ne crois pas? Si tu ne crois pas, hey, hey. Tarde ta gueule à la récré. Si tu ne crois pas, hey, hey. Tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères. Les grands n'ont rien à faire, je vais souvent dans des montgolfières des géants. La gueule à la récré. Et les petits ovaires, si tu ne crois pas. Ah, je vais la refaire. Je vais la refaire. Et maintenant, une version d'Alain Souchon avec Karma et Benji au chant. 1, 2, 3, 4. Tarte ta gueule à la récré. Ouais. Oula, j'ai des problèmes de... On va la refaire. J'ai un problème de connexion. Donc je disais, maintenant une chanson d'Alain Souchon avec Karma, Benji et avec des guitaristes, un batteur. Un, deux, trois, quatre. J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Si tu ne crois pas, tord ta gueule à la récré. Tarte ta gueule à la récré. J'ai 10 ans. Je vais à l'école et j'entends belles paroles, mais doucement, moi je rigole au cerf-volant. Je rêve, je vole, j'ai 10 ans. Dans ma tête, j'ai encore 10 ans. Je rêve, je vole avec mon cerf-volant. Moi j'ai toujours 10 ans. Mais si tu crois pas, tarde ta gueule à la. Mika, il a la guitare. À toi, amigo. Ladies and gentlemen, Mr. Dival and Mr. Moretti, Mr. Karma, Mr. P, tout le monde est là ce soir. Bonsoir Paris. J'ai 10 ans, toujours dans ma tête j'aurai 10 ans. À 50 ans j'aurai encore 10 ans. Jusqu'à ma mort je veux garder 10 ans et jouer avec mon cerf-volant. J'en ai rien à foutre de ce que disent les gens, même si j'ai l'air d'être un enfant. Moi je veux pas être comme les grands qui se font du souci tout le temps. Je préfère jouer avec mon cerf-volant. 10 ans, 10 ans. Faire sur cette chanson. Karma, qu'est-ce qu'on pourrait chanter sur cette musique? Après, Bachou. Pas mal, ouais. Prendre un enfant par la main. Prendre un enfant par la main. Enfant par la main, c'est qui déjà lui? Par la main. m'emmener vers demain. Pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant ou un roi. Prendre un enfant dans ses bras. Et pour la première fois, qu'est-ce que tu peux faire, Karma ? Sécher ses larmes en étouffant de joie. Prendre un enfant dans ses bras. Prendre un enfant par le cœur. Ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur. Prendre un enfant sur son cœur. Faut chanter là.